إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on va continuer, barakallahu fi, comme les explications des Arba'in Nawawiyya. Et on en était, on avait fait la semaine passée, donc sur la zakat. Donc, on avait expliqué, on avait détaillé concernant la zakat, à qui on la donne. Et on se rappelle que pour être imposable sur ce troisième pilier de l'islam qui est la zakat, pour être imposable, il faut qu'il y ait trois conditions réunies. Il faut d'une part être musulman libre et c'est d'atteindre le seuil minimum qui est le nisab. D'accord ? Il faut atteindre le seuil minimum qui est le nisab. Et j'avais expliqué dans le détail la semaine passée, yani comment on calcule cela et comment on peut savoir si on a atteint le niveau du nisab. Et donc ça, vous le retrouverez dans le cours de la semaine passée, c'est le cours 22 si je me souviens bien. Yani le dernier cours avant celui-ci. Yani le cours 22 sur la zakat et pour comment on peut calculer pour savoir si yani on a atteint le nisab. Et lorsque on a atteint ce nisab-là, la troisième condition, c'est que cet argent ne descende pas en dessous du seuil, en est en dessous du seuil minimum qui est le nisab, eh bien, il ne faut pas que cet argent descende en dessous pendant un an. D'accord ? Pendant un an. Et je me suis aperçu que j'avais oublié de mentionner un point concernant à qui l'a donné, ça je l'avais mentionné. Donc, il y a, huit catégories. Une catégorie de personnes. Et cela est rapporté donc dans Sourate Tauba, le verset 60. Sourate Tauba, le verset 60. Dans la traduction du sens du verset, où Allah Azza wa Jal a dit, les aumônes obligatoires, il y en a la zakat, ne sont que pour les indigents, les pauvres, ceux qui travaillent à les percevoir, ceux dont on veut rapprocher les cœurs, pour affranchir les esclaves, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah, ceux qui sont dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur dans le besoin. Ceci est une obligation venant d'Allah, et Allah sait tout, et il est sage. D'accord ? Donc lorsqu'on lit ceux dans le sentier d'Allah, donc eh bien, faut pas croire que les innovateurs de Jamaat Tablir sont considérés parce qu'ils se considèrent comme étant dans le sentier d'Allah. Donc, ils innovent dans la religion d'Allah et ils se considèrent étant dans le sentier d'Allah. Donc, non, ils ne sont pas sur la voie prophétique et ils ne sont pas fisabilillah lorsqu'ils sont en train de commettre un égarement, puisque le prophète sallam a dit que toute innovation est un égarement. Deuxième point que je voulais souligner, c'est que lorsqu'on lit dans le verset, dans la traduction du sens du verset, ceux dont on veut rapprocher les cœurs, ceux dont on veut rapprocher les cœurs. Donc, c'est ce point-là, en fait, que j'avais oublié de détailler. Donc, ceux dont on veut rapprocher les cœurs, eh bien, ça concerne, en fait, celui qui est un kafir, qui est un mécréant et dont on souhaiterait, en lui donnant la zakat, eh bien qu'il se rapproche de l'islam et qu'il accepte l'islam. D'accord? Et cette explication-là, vous la trouvez en fait dans le livre de Cheikh Salah al-Fawzan, Hafidhahullah, dans le Sharh de Risalat al-Dala'il fi Hukm Walat Ahl al-Ishraq. Donc les preuves concernant le jugement d'avoir des alliances avec les gens de l'associationnisme. Donc dans ce Sharh-là, il explique une partie de... Donc il explique, hein, Al-Wala ou Al-Bara, l'alliance et le désaveu. Et il dit concernant yani, ce point-là, sur ceux dont on veut rapprocher les cœurs. Donc le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah, il dit وهذا من باب المقابلة والمكافأة على الإحسان وليس من باب المحبة ولا منع أن يتآلفهم ولي الأمر إذا خشي على المسلمين من شرهم يتآلفهم ويعطيهم شيئا من المال لأجل دفع شرهم حتى إن الكافر المؤلف يعطى من الزكاة كما قال تعالى والمؤلفات قلوبهم ولكن هذا من صلاحيات ولي الأمر هو الذي يعطيهم فيعطى من يرجى إسلامهم من الزكاة طمعا في إسلامهم لا مانع من ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية من المال من مغانم حنين أعطاه الشيء الكثير وهو كافر حتى ألقى الله الإسلام في قلبه فأسلم تألفه صلى الله عليه وسلم حتى أسلمه. Donc là, c'est ce que explique le Cheikh Salah Al-Fawzan dans cette partie-là. Il dit le Cheikh, donc, même le mécréant, on lui donne la zakat, d'accord? C'est pour ça que dans Sourate Tauba, vous voyez, il a utilisé ce verset-là, qui est le verset 60 de Sourate Tauba. وَالْمُؤَلَّفَاتِ قُلُوبُهُمْ Donc, ici, c'est ceux dont les cœurs sont à gagner. Ceux dont les cœurs sont à gagner. Ceux dont on veut rapprocher les cœurs. Et il dit, le Cheikh, il mentionne bien que ce n'est pas à, yani, aux gens, d'accord, aux musulmans, comme ça, de donner aux mécréants de la zakat afin d'espérer qu'il accepte l'islam. Non, ce n'est pas donner, hein, aux musulmans X, Y à vouloir donner comme ça, en disant que, bien, vous voyez, dans le verset, on peut donner au kafir la zakat. Non, d'accord? Parce qu'il n'est pas permis de donner la zakat au kafir. Mais là, ici, ça concerne... Ça concerne qui? Ça concerne le gouverneur qui, lui, a, yani, peut donner donc la zakat au kafir. D'accord? Ça fait partie donc, yani, de ce que le gouverneur peut faire et non pas les gens de la masse. D'accord? C'est au gouverneur, lui, que lorsqu'il, yani, pense que, eh bien, ce kafir-là, ce mécréant-là, son cœur est à gagner pour l'islam. Qu'en lui donnant la zakat, il accepterait l'islam, inshallah. Eh bien, ça, c'est au gouverneur de le décider et non pas aux musulmans de la masse, donc à vouloir donner la zakat comme cela. Et c'est pour cela qu'il insiste, le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah, en disant cela, donc, est, yani, c'est du devoir du gouverneur, de celui qui gouverne, de celui qui détient l'autorité. C'est à son devoir, lui, de leur donner. D'accord? Donc, il lui donne la zakat, et en est souhaitant leur islam. D'accord? Souhaitant leur islam. Et il dit que il n'y a pas de problème dans cela. Et la preuve qu'il a avancée, eh bien, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donné à Safwan ben Umayya de l'argent qui fait partie, donc, du butin de Hunayn. Il lui a donné beaucoup. Alors que Safwan ibn Umayya était un mécréant. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal mette l'islam dans le cœur de Safwan ibn Umayya. Et il s'est converti à l'islam, il a accepté l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc lui a donné cela jusqu'à ce que il s'est converti à l'islam. D'accord? Donc c'était ce point-là que je voulais souligner. Barakallahu fikum. Donc nous allons inchallah continuer donc. Nous allons inchallah continuer la suite de l'explication de ce hadith 2. Hadith Jibril des Arba'in Nawawiyya. Et nous arrivons donc au quatrième et cinquième pilier de l'islam. Nous arrivons donc au quatrième et cinquième pilier de l'islam. Alors le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah, a dit concernant donc ce quatrième pilier de l'islam qui est Saum Shahri Ramadan, Rukn Rabi' Saum Shahri Ramadan, le quatrième pilier, le jeûne du mois de Ramadan. Donc il dit le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah, Saum Shahri Ramadan min kulli sana, qala ta'ala, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فيجب على المسلم أن يصوم شهر رمضان أداء إن كان يستطيع الأداء وليس له عذر أو قضاء إذا كان لا يستطيع الأداء وله عذر قال تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. Donc le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah donc dit concernant ce quatrième pilier qui est le jeûne du mois de Ramadan, il dit le jeûne du mois de Ramadan de chaque année. Allah le Très-Haut a dit le mois de Ramadan, le mois qui s'appelle Ramadan, celui dont le Coran fut yani descendu, fut révélé, fut descendu. Et la qawlihi ta'ala jusqu'à sa parole, celui donc qui observe le mois, qui voit le mois donc entrer, qu'il le jeûne. Celui donc qui voit le mois entrer, qu'il le jeûne. Ensuite, le Cheikh Hafidhahullah, il dit فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمْ أَنْ يَسُومَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَدَاءٍ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْأَدَاءَ وَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ. Il incombe donc aux musulmans de jeûner le mois de Ramadan s'il a la possibilité de le faire. D'accord? Et qu'il n'a donc aucune excuse de ne pas le faire. Donc il se doit, il est obligé de jeûner, le musulman. D'accord. Ou bien il doit rattraper dans le cas où est-ce que lui il ne peut pas, le musulman qui ne peut pas donc jeûner le mois. Ou qui, yani, qui a eu, c'est pour ça qu'il dit le shikh walahu udhrun, c'est-à-dire qu'il a eu une excuse. C'est-à-dire qu'il a eu une excuse. Donc le musulman qui a eu une excuse légiférée et qui n'a pas pu jeûner soit le mois, soit certains jours du mois, eh bien, il se doit de le rattraper. Tandis que celui qui n'a aucune excuse légiférée, il est obligé de le jeûner. D'accord? Donc, il dit ensuite, Allah le Très-Haut a dit, concernant celui donc qui a une excuse, qui ne peut pas le jeûner et qui doit donc le rattraper, la preuve est dans Sourate Al-Baqarah, le verset 185. ومن كان مريضا او على سفر فعده ايام اخر فعده من ايام اخر ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. Sourate Al-Baqarah verset 185. Sourate Al-Baqarah verset 185. Donc dans la traduction du sens de ce verset là dont le 185 de Sourate Al-Baqarah, dont le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah a utilisé comme preuve pour expliquer cela, Donc la traduction du sens, c'est ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissant. D'accord ? Donc on peut le noter, ça c'est le verset 185, comme ça vous pourrez, Inch'Allah, revenir dessus. Ensuite il dit le shir. Hafidullah, il dit فالمريض والمسافر يفطران ويقضيان. Donc celui qui est malade et le voyageur, donc le malade et le voyageur, eh bien ils mangent pendant ce mois de Ramadan, lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'ils sont en voyage, ils mangent et ils rattrapent. Ils mangent donc et ils rattrapent les jours dans lesquels ils ont mangé pendant ce mois de Ramadan. ومن لم يستطيع الصيام لكبر وهرم أو لمرض مزمن فإنه يفدي قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Tandis que celui qui ne peut pas le jeûner de par la vieillesse ou de par le fait qu'il a une maladie qui est chronique, eh bien, il se doit de sortir une fidya. Il se doit de sortir une fidya. Donc Allah le Très-Haut dit dans le verset, donc dans la traduction du sens du verset 184 de Sourate Al-Baqara, pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, c'est ça la fidya, une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. D'accord ? Donc ceci est la preuve de ce qu'avançait le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala. Donc il explique ici la compensation. Celui qui a une maladie chronique ou yani, qui ne peut pas donc supporter le jeûne, d'accord, qu'avec grande difficulté, donc il se doit donc de sortir une fidya, c'est-à-dire une compensation, c'est-à-dire nourrir un pauvre. C'est pour ça que le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah dit كل يوم يطعم مسكينا فدية عن الصيام إذا كان لا يستطيع أن يصوم لا أداء ولا قضاء. Donc tous les jours, il se doit donc de nourrir un pauvre en compensation du jeûne qu'il n'a pas pu faire. D'accord ? Dans le sens où il n'a pas pu jeûner, il ne peut pas jeûner parce qu'il a une maladie chronique ou de par sa vieillesse, il ne pourrait pas supporter. D'accord ? Celui qui ne pourrait pas supporter de par sa vieillesse ou de par le fait qu'il a une maladie chronique. D'accord ? Donc il ne peut pas jeûner, il ne pourra pas rattraper donc ces jours-là en jeûne. Eh bien donc, il se doit donc de sortir chaque jour une fidya, c'est-à-dire chaque jour, il doit nourrir un pauvre. Chaque jour du mois de Ramadan, il se doit de nourrir un pauvre. D'accord ? Donc si le Ramadan dure 29 jours, pendant 29 jours, il doit nourrir un pauvre. Chaque jour, il doit nourrir un pauvre. Pendant tout le mois de Ramadan, si ça dure 30 jours, eh bien, pendant 30 jours, il devra nourrir un pauvre. D'accord ? Donc celui donc qui ne peut pas le jeûner, donc de par sa vieillesse, par le fait que, parce qu'il y a des personnes qui sont âgées mais qui peuvent jeûner, d'autres personnes, de par leur vieillesse, ils ont d'énormes difficultés, c'est compliqué pour eux de jeûner, donc ils ne peuvent pas jeûner, ni ne peuvent rattraper, donc ils doivent sortir une fédia. Et celui qui est atteint d'une maladie chronique, c'est pareil, donc il ne pourra ni jeûner ni le rattraper, donc chaque jour il devra sortir cette compensation-là de nourrir un pauvre chaque jour. D'accord? Et donc, il n'a pas ni à jeûner, ni à rattraper. D'accord? Donc ça, c'était pour le quatrième pilier de l'islam, qui est le jeûne du mois de Ramadan, de par les explications de Cheikh Salah Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Concernant maintenant les explications de ce quatrième pilier, ça c'était les explications donc de Cheikh Salah Al-Fawzan concernant le quatrième pilier de l'islam qui est le jeûne du mois de Ramadan. Maintenant, on voit les explications de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abed Al-Badr concernant ce quatrième pilier de l'islam qui est le jeûne du mois de Ramadan pour tirer d'autres bénéfices, Inch'Allah. Donc il dit le Cheikh, Hafidhahullah, il dit Saum Ramadan, ibadah badaniya. Le jeûne du mois de Ramadan est une adoration corporelle. Wa hiya sir bayna al-'abd wa bayna rabbih. Et donc ce jeûne là du mois de Ramadan, c'est un secret entre le serviteur et son seigneur. La yattali'u 'alayhi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah le Très-Haut sait que son serviteur jeûne. لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم. Car durant le mois de Ramadan, il y en a qui peuvent ne pas jeûner, et d'autres pensent que celui-là, eh bien, est... Donc, durant le mois de Ramadan, ils pensent, certains n'est pas en train de jeûner, et d'autres pensent que ceux-là qui ne sont pas en train de jeûner, eh bien, sont en état de jeûne. وَقَدْ يَكُونَ الْإِنسَانِ صَائِمًا فِي نَفَلْ وَغَيْرُهُ يَظُنُّ أَنَّهُ مُفْتِرُ. Et il se peut que il y a un musulman donc qui jeûne, yani en jeûne surérogatoire, et d'autres pensent que, eh bien, celui-ci, yani aujourd'hui mange, d'accord. C'est pour ça qu'il dit le shir, eh bien, c'est un acte d'adoration corporelle qui est un secret entre le serviteur et son seigneur. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Ensuite il dit le Cheikh Hafidhahullah, il dit c'est pour cela qu'il a été rapporté dans le hadith sahih authentique que l'individu est récompensé sur les œuvres qu'il fait, la bonne action, la bonne œuvre, eh bien est récompensé par 10. Donc lorsqu'il fait une bonne œuvre, il est récompensé par, comme si qu'il avait fait 10 bonnes œuvres. Et Allah Azza wa Jal augmente à qui il veut jusqu'à 700 fois. Allah le Très-Haut a dit, excepté le jeûne, c'est moi qui en donne la récompense. Excepté le jeûne. Yani, il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Cela est rapporté donc dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Ay bi ghayri hisab. C'est-à-dire que, vous voyez pourquoi le Cheikh ici il utilise ce hadith authentique rapporté dans les deux Sahih. Donc il explique que, vous voyez, quelqu'un qui fait une bonne œuvre. Donc il est récompensé par, comme si qu'il avait fait 10 bonnes œuvres. D'accord ? Tandis que le jeûne, donc il est récompensé par 10 bonnes œuvres, celui qui fait une bonne œuvre, il est récompensé par 10 bonnes œuvres, et Allah Azza wa Jal augmente à qui il veut jusqu'à 700 fois. Tandis que le jeûne, eh bien, c'est rapporté authentiquement qu'Allah le Très-Haut a dit, eh bien que le jeûne lui appartient et qu'il récompense qui il veut. Et le cheikh Hafidhullah Abdel Mohsen Al-Abed Hafidhullah a dit, eh bien qu'il récompense, yani, sans limite. Sans limite. D'accord ? Il n'y a pas de limite, c'est Allah Azzawajal qui réserve cette récompense-là. Yani, une récompense spéciale pour le jeûne. D'accord ? Et les œuvres, bien sûr, sont toutes, doivent être toutes faites uniquement que pour Allah Azza wa Jal. Comme a dit Allah Azza wa Jal, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dit, donc dans la traduction du sens du verset, dit, ma prière mérite, ma vie, ma mort sont à Allah, le Seigneur des mondes. Aucun associé à Allah. Et de cela, j'ai été ordonné et je suis, yani, le premier des musulmans. Wa innama khussa as-sawm fi hadha al-hadith bi annahu lillahi lima fihi min خفاء هذه العبادة وأنه لا يطلع عليها إلا الله. Donc le cheikh Hafidhullah il dit, donc toutes les bonnes œuvres, bien sûr, toutes les œuvres, les actes d'adoration ne doivent être voués qu'à Allah Azza wa Jal le Très-Haut. Mais le fait qu'Allah Azza wa Jal dit, spécifie, le jeûne lui appartient. D'accord ? Et qui donc il récompense sans limite, eh bien, son serviteur qui jeûne, d'accord ? Eh bien, il dit, le cheikh, Hafidhullah, il dit, le jeûne a été précisé dans ce hadith, car dans cela, il y a un acte d'adoration qui est caché. D'accord ? Un acte d'adoration qui est caché. Et وَأَنَّهُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهِ. Et seul Allah Azza wa Jal sait. Seul Allah Azza wa Jal sait quiconque jeûne et quiconque ne jeûne pas. Et entre parenthèses, c'est pour cela que chaque acte d'adoration que l'on fait, on se doit de faire des efforts afin de les cacher. Les actes d'adoration que l'on fait pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, en conformité à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on se doit de faire des efforts pour les cacher. Que ce soit Qiyam al-Layl, le fait de se lever la nuit pour prier, on le cache, même à la famille. On n'a pas besoin de montrer à la famille qu'on se lève la nuit, vous voyez, regardez, je me lève pour prier la nuit, pour qu'ils disent, oh, mashallah, il prie la nuit. On le cache. Lorsque tu aides un pauvre, Yani, un pauvre qui est musulman, bien sûr, parce que le kafir, on donne pas, d'accord ? On donne qu'aux musulmans, barakallahu fikum. Lorsque tu aides un pauvre qui est dans la nécessité ou quelqu'un qui est endetté et que tu l'aides, cache cela, ne le dis pas aux gens, ne le dis pas à ta famille. Lorsque tu jeûnes, cache-le. Ne le dis pas à ta famille que tu jeûnes. C'est une bonne œuvre que tu fais que pour Allah Azza wa Jal. Tu ne veux que Allah Azza wa Jal par cela. Jusqu'à ce que Cheikh Mohammed Saïd Raslan, Hafidhullah, avait mentionné dans un de ses cours, eh bien qu'il y avait un homme qui jeûnait, et sa femme, la femme de cet homme-là qui jeûnait, n'était même pas au courant qu'il jeûnait. N'était même pas au courant qu'il jeûnait. Il préparait donc sa nourriture pour l'emmener dans sa boutique. Et il ne disait pas à sa femme, eh bien, prépare-moi parce que je jeûne, ou voilà, etc. Il préparait de la nourriture. Et comme il passait la journée donc dans sa boutique, eh bien, sa femme n'était pas au courant qu'il jeûnait. Non, ça, je l'ai dit, ça. Ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais je ne sais pas si vous étiez connecté. Je ne sais pas si vous étiez connecté. Je reviens dessus, Inch'Allah. Juste termine ce point-là, Bekran, et je reviens dessus, Baklofik. Donc, c'est-à-dire qu'il cachait cet acte d'adoration-là, qui est le jeûne, il le cachait à sa famille ne savait même pas qu'il jeûnait. Parce qu'il le fait que pour Allah Azzawajal. Parce que l'aumône que tu donnes, jusqu'à ce que ta main gauche ignore ce qu'a donné ta main droite. D'accord? Tu le caches. C'est une bonne œuvre. C'est une bonne action. Tu n'as pas besoin de le dire aux gens que tu fais des bonnes œuvres. Cache-le, c'est pour Allah Azzawajal que tu fais. Vous voyez que même la salette que l'on fait à la mosquée, la salette obligatoire, donc on fait la prière en groupe, d'accord? Et puis les prières surérogatoires, la sunna c'est de les faire à la maison et non pas à la mosquée. La sunna c'est de les faire à la maison et non pas à la mosquée. Car la prière qui est faite, la prière surérogatoire, hein, je ne parle pas de l'obligatoire, l'obligatoire c'est en groupe à la mosquée, ça c'est obligatoire, d'accord? Mais je parle de la prière surérogatoire. Donc la prière surérogatoire, eh bien on ne la fait pas à la mosquée, mais on la laisse pour la maison. Et la prière qui est cachée, surérogatoire, qui est cachée des yeux des gens, a un degré beaucoup plus élevé, 25 fois, que la prière qui surérogatoire qui est faite devant les gens. D'accord? Concernant ce que le frère Bekran a mentionné, dernier, si on donne aux pauvres mécréants dans l'intention d'attirer son cœur vers l'islam, j'ai souligné tout à l'heure que ce n'est pas aux musulmans X ou Y de faire cela. Dans le verset 60 de sourate At-Tawbah, ceux dont les cœurs sont à gagner, c'est la responsabilité du gouverneur, de celui qui détient l'autorité, de le faire. D'accord? Et j'avais mentionné la preuve sur cela, vous pourrez écouter, Inch'Allah. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Safwan ibn Umayya du butin de Hunayn. Il lui a donné beaucoup. Alors que Safwan ibn Umayya était un mécréant. D'accord? Mais il lui a donné, et jusqu'à ce qu'Allah azzawajal a mis l'islam dans le cœur de Safwan ibn Umayya. D'accord? Donc, c'est à celui qui détient l'autorité de donner la zakat à un mécréant dans le but d'attirer son cœur à l'islam. Mais ce n'est pas donné, yani à nous, aux musulmans X ou Y, de vouloir donner, et puis en essayant d'utiliser le verset 60 de Sourate At-Tawbah, ceux dont les cœurs sont à gagner. Non, il faut comprendre que ceux dont les cœurs sont à gagner, c'est celui qui détient l'autorité, le gouverneur musulman, qui a le droit de faire cela, de donner donc à un mécréant de la zakat, en espérant qu'Allah Azzawajal lui mette l'islam dans son cœur et qu'il accepte l'islam. D'accord? Puisque la preuve, comme l'avait utilisé le cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhullah, eh bien c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait. D'accord? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait. Et ce n'est pas à n'importe qui de le faire, ça. Barakallahu fikoum. Donc, on revient à l'explication de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abed, Hafidhullah, concernant ce quatrième pilier de l'islam qui est le jeûne. Donc, vous voyez, Allah Azzawajal a spécifié concernant le jeûne. Donc, toutes les bonnes œuvres, hein, sont à Allah Azzawajal. Toutes les œuvres, tous les actes d'adoration doivent être. Comment ça, et s'il nous demande quant au demandeur? S'il nous demande qui? C'est-à-dire le demandeur qui est un kafir. Donc, s'il nous le demande, quant au demandeur, ne le repousse pas. Si un kafir nous demande, on ne peut pas utiliser comme ça le verset et puis le placer, eh bien, même pour le kafir. D'accord? Donc, celui qui te demande, notamment lorsque. Il faut voir, Inch'Allah, le tafsir de ce verset-là. Je vais le noter et je reviendrai dessus. Mais vous savez, dans sourate Abasa, eh bien, il s'est renfrogné lorsque Abi Umm Maktoum demandait au prophète, mais il demandait quoi? Il demandait la science de ce qu'Allah Azzawajal lui a révélé. Il voulait savoir. D'accord? Donc ne le repousse pas, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la da'wa à des notables. Et Abi Umm Maktoum, radiallahu anhu, était un sahabi qui était âgé, qui était aveugle. Donc il ne voyait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de faire la da'wa à ces notables-là. Et il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner ce qu'Allah azza wa jalla lui a révélé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, ne voulait pas lui répondre et voulait rester à se concentrer à faire la da'wa à ces notables-là. Mais Allah azza wa jalla lui a rappelé, eh bien, de répondre à Abi Umm Maktoum. D'accord ? Yani, celui qui est un kafir, on ne lui donne pas. D'accord ? Il faut que ce soit un musulman à qui on donne et on aide. D'accord ? Tandis que celui dont les cœurs sont à gagner, c'est au gouverneur musulman, à celui qui détient l'autorité de le faire. Ce n'est pas à nous. D'accord ? Qui a le droit de donner à un kafir de l'argent de la zakat. Barakallahu fik. Donc je ferme, Inch'Allah, cette parenthèse sur ce point-là. Donc je disais que le cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, Hafidhahullah, donc mentionne que toutes les bonnes œuvres, les actes d'adoration, ne doivent être faites qu'à Allah Azza wa Jal seul. D'accord ? Et le jeûne, qui est un acte d'adoration, Allah Azza wa Jal l'a spécifié, comme on le trouve dans le hadith qui est dans les deux sahih, Bukhari et Muslim, qu'Allah Azza wa Jal lui donne une récompense sans limite. Parce qu'on se rappelle que les autres bonnes œuvres, eh bien, une bonne œuvre qui est faite, eh bien, la récompense, c'est comme si le musulman a fait 10 bonnes œuvres, il n'en a fait qu'une, mais c'est considéré comme si qu'il en a fait 10 bonnes œuvres, et Allah Azza wa Jal augmente à qui il veut jusqu'à 700 fois. Tandis que le jeûne, dans la récompense, il n'y a pas de limite, il y a une récompense spéciale de la part d'Allah le Très-Haut, pour celui qui jeûne. Et c'est donc un acte d'adoration qui est secret. Et je rappelais donc qu'on se doit de faire des efforts à cacher les bonnes œuvres que l'on fait. Barakallahu fikoum. Donc ça, c'était pour l'explication de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, Hafidhahullah, concernant ce quatrième pilier de l'islam. Le Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymin, Rahimahullah, a dit, concernant l'explication de, dans ce hadith-là, du quatrième pilier de l'islam, qui est le jeûne du mois de Ramadan. وَتَسُوم رَمَضَان بِأَن تَمْسَكْ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ مِنْ تُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ تَعَبُّدًا لِلَّهِ تَعَالَى. Donc que tu jeûnes le mois de Ramadan, c'est-à-dire que tu te retiens de manger à partir du moment où le deuxième fajr, donc, apparaît jusqu'au coucher du soleil, et tu te retiens de manger, de boire, du deuxième fajr jusqu'au coucher du soleil, par acte d'adoration à Allah le Très-Haut. Tu le fais par acte d'adoration à Allah le Très-Haut. D'accord ? Tu ne le fais pas en te disant c'est bien de jeûner, c'est bon pour la santé, etc. D'accord ? Ou bien comme on entend certains qui disent non, mais dans la prière, tu vois, il y a certaines positions que lorsque ta tête touche le sol, ça fait des ondes qui sont positives, etc. etc. Si ta niya, c'est de prier afin d'avoir des ondes positives au niveau de ta tête lorsque tu la touches le sol, etc. Yani, c'est pas ça qui t'est demandé. Ce n'est pas ça qui t'est demandé. Tu pries pour adorer Allah Azza wa Jal. Tu pries car Allah Azza wa Jal te l'a ordonné. Et tu fais cela pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, pour appliquer pleinement ton islam. L'islam, la soumission à Allah Azza wa Jal par le pur monothéisme. Tu n'adores qu'Allah. Tu pries pour Allah. Tu ne t'en remets qu'à Allah. Et tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et la sujétion à l'obéissance à Allah, c'est-à-dire que tu te soumets. Lorsqu'Allah Azza wa Jal t'ordonne quelque chose, tu t'y es soumis. Il t'a ordonné de prier, tu t'es soumis à cela et tu pries. D'accord ? Et tu te désavoues du polythéisme et de ses adeptes. Donc tu appliques pleinement l'islam. Donc, lorsqu'Allah Azza wa Jal a légiféré parmi les piliers de l'islam, ce quatrième pilier de l'islam qui est le jeûne du mois de Ramadan, tu le fais par acte d'adoration. Et non parce que certains diététiciens diraient que, eh bien le jeûne c'est bien, etc. Il ne faut pas se mettre ces intentions-là. Et les actes ne valent que par leurs intentions. Donc si ton intention c'est pour être en bonne santé, ce n'est pas accepté par Allah Azza wa Jal. Mais tu dois le faire comme intention, que tu le fais pour Allah Azza wa Jal seul, par obéissance à Allah Azza wa Jal, et que tu accomplis cet acte qui est obligatoire du jeûne du mois de Ramadan. Voilà de quoi doit être composée ta niya, ton intention. Et donc il dit le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, hafidahullah. والمفطرات أيضا معروفة لا حاجة إلى ذكرها ولكن ننبه على شيء مهم فيها أن المفطرات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط إلا بثلاثة شروط. Donc il dit ce qui annule le jeûne, ce qui annule le jeûne, le fait يعني ce qui est consommé, d'accord, ce qui annule le jeûne sont connus, donc il n'y a pas besoin de les rappeler. Mais il dit, mais nous, yani, nous avertissons sur un point qui est important concernant cela. Et bien que les mufattirat, c'est-à-dire ceux qui vont rompre les jeûnes par la nourriture, la boisson, etc., ce qui va rompre le jeûne, et bien ne rendent pas celui qui jeûne comme yani quelqu'un qui a invalidé son jeûne parce qu'il l'a mangé. D'accord? Excepté, donc, il y a trois conditions à cela. Je vais répéter, Inch'Allah, pour être clair. Inch'Allah. Donc, il dit, les choses qui vont donc annuler le jeûne, eh bien, n'annulent pas automatiquement, en fait, le jeûne. D'accord? Il y a trois conditions. Et le jeûne de l'individu, s'il va consommer ces choses, d'accord, qui vont annuler le jeûne, qu'il va manger ou boire, ou etc. D'accord? أن يكون عالما. La première condition, c'est que il sait, il a la connaissance, il sait que s'il fait cela, eh bien ça va annuler son jeûne. D'accord? Ben dans ce cas-là, s'il le fait, eh bien son jeûne est annulé. وأن يكون ذاكرا. La deuxième condition, c'est que il se rappelle. Il sait, il s'est rappelé que, eh bien, yani, il est en période de jeûne et que s'il fait cela, ça va annuler son jeûne. Wa an yakun muridan, qu'il ait la volonté de le faire, c'est-à-dire de rompre son jeûne. C'est-à-dire s'il se rappelle qu'il jeûne et que cela, et malgré cela il le fait, ça annule son jeûne. S'il sait que telle chose en faisant cela, ça annule son jeûne, eh bien ça va l'annuler. Et s'il veut annuler son jeûne, ça va l'annuler. Donc ceux qui opposent le savant, celui qui sait, eh bien, c'est l'ignorant. فَلَوْ أَكَلَ الصَّائِمُ يَظُنُّ اللَّيْلَ بَاقِيًا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الصُّبْحُ وَهُوَ يَأْكُلُ فَحُكْمُ الصَّوْمِ أَنَّهُ صَحِيحٌ. Donc, il dit le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah, il dit, donc celui, le jeûneur qui mange, en pensant que il fait encore nuit. Puis il s'aperçoit que le soleil, yani que le sobh s'est levé. D'accord? Puis il pense que c'est encore la nuit, que l'heure du sobh n'est pas encore arrivée, l'heure du fajr n'est pas encore arrivée. Donc il mange et il s'aperçut que le sobh, eh bien, est levé. Alors qu'il était en train de manger, eh bien son jeûne est correct, parce qu'il l'a pas fait de façon volontaire, d'accord. Lui, il pensait que il était encore nuit, d'accord. Il pensait que c'était encore nuit, que l'heure du fajr n'était pas encore arrivée. Donc c'est pas, par exemple, il l'a fait volontairement, il savait que ça y est, c'est rentré, et puis lui délibérément il mange. Non, dans ce cas-là, son jeûne aurait été invalide. Mais lui, il pensait que il avait encore le temps et il mangeait. Et il s'est aperçu qu'il mangeait, que c'est monté. Et bien, son jeûne est valide, il dit. Le cheikh, c'est Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah. Ensuite, il dit le cheikh, rahimahullah, il dit, وَلَوْ أَكَلَ يَظُنُّ غُرُوبِ الشَّمْسِ ثم تبين انها لم تغرب فالصوم صحيح. Donc si le musulman qui jeûne, il s'est mis à manger en pensant que, parce que lui, pourquoi il s'est mis à manger? Parce qu'il croyait que le soleil s'est couché. C'était l'heure du maghrib. Il pensait, il croyait que c'était l'heure du maghrib. Donc il ne l'a pas fait délibérément. Vous voyez les trois cas là qu'on a mentionné, les trois conditions. Yani, et il n'avait pas la connaissance. C'est pas par exemple il savait, d'accord, il s'est rappelé que c'est l'heure là et que c'est pas encore l'heure, mais il s'est mis à manger et il n'en avait pas la volonté. Donc là c'est pas par volontairement il l'a fait, on parle pas du cas volontaire. Celui qui le fait volontairement, son jeûne est invalide, hein. Là on parle de celui qui croyait que le soleil s'est couché, que c'était l'heure du maghrib, et il s'est mis à manger, puis il s'est aperçu que en fait le soleil ne s'est pas couché. Eh bien, son jeûne est correct. Son jeûne est correct. La preuve dans cela, c'est ce qui est rapporté dans Al-Bukhari, dans Sahih Al-Bukhari. Donc, c'est ce que dit le Cheikh Mohammed bin Salih Al-Uthaymeen, rahimahullah. Il dit: Wa dalil dhalik ma rawahu Al-Bukhari an Asma bint Abi Bakr al-Siddiq radiallahu anha. Donc, la preuve de cela, c'est ce qui est rapporté dans Al-Bukhari de Esma, qui est la fille de Abi Bakr al-Siddiq, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui a dit: Aftarna fi yawm ghaym ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma tala'at ash-shams. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, d'accord, et Abi Daoud et Ibn Majah. Donc Esma bint Abi Bakr radiyallahu anha a dit: nous avons mangé et bu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour assombri par les nuages. Donc ils ont mangé et bu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour assombri par les nuages, puis le soleil s'est levé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour. Wa lam ya'muruhum bil qada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné donc de rattraper ce jour là فلو كان القضاء واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقل إلينا لأنه إذا كان واجبا لكان القضاء من شريعة الله ولا بد أن ينقل وهو داخل في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Donc c'est ce que dit le Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullah. Il dit: eh bien, il dit donc j'ai plein de papiers là ici, Allah Musta'an. Donc il dit donc le Cheikh que vous voyez dans ce hadith là qui est dans Sahih al-Bukhari ce que disait Asma radiyallahu anha, la fille de Abu Bakr al-Siddiq: nous avons mangé et bu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour assombri par les nuages, puis le soleil s'est levé. Il a dit le Cheikh: et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour là d'accord, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour là Et donc ensuite il dit: s'il les avait ordonné de rattraper ce jour, eh bien le fait de le rattraper aurait été obligatoire. Le fait de donc si le fait de rattraper donc ce jour-là, parce qu'ils ont mangé, Inch'Allah, si le fait de rattraper ce jour-là, si le fait de rattraper ce jour-là avait été obligatoire, d'accord, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait démontré. Et cela aurait été rapporté, nous aurait été rapporté. Parce que si cela avait été obligatoire, le fait de rattraper ce jour-là, alors que il ne savait pas que le soleil s'est levé, puisque le jour c'était un jour assombri par les nuages, D'accord? Eh bien, celui qui ne savait pas, donc qui mangeait et qui pensait que c'est, il avait encore le temps de manger, d'accord? Et puis parce que c'était assombri et ils se sont rendus compte que le soleil se levait, le prophète Hassan ne leur a pas ordonné de rattraper. Et c'est pour ça qu'il dit le Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah, il dit si ça avait été, si le rattrapage yani aurait été obligatoire, eh bien cela aurait fait partie de la législation d'Allah et qu'il aurait yani été obligatoire que cela aurait été rapporté. Cela aurait été rapporté. D'accord ? Et il n'y a aucun doute sur cela, parce que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui préserve sa religion. Il ne faut pas commencer à douter en se disant ouais, mais peut-être qu'il y a tel hadith qui a été pas rapporté. Allah Azza wa Jal l'a dit. Allah Azza wa Jal l'a dit dans Sourate Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, yani le Qur'an, et c'est nous qui le préservons. C'est Allah Azza wa Jal, c'est un nous de majesté, non pas de pluriel. C'est un nous de majesté. Et non pas de pluriel. Et c'est Allah Azza wa Jal qui préserve sa religion. C'est Allah Azza wa Jal qui préserve sa religion. Donc si le fait de manger yani, sans s'en rendre compte et involontairement, en pensant que c'est encore l'heure, mais il s'avère que ce n'est pas l'heure, eh bien tu ne le rattrapes pas pour preuve ce hadith-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de le rattraper. D'accord ? Et si ça avait été obligatoire, eh bien cela aurait été rapporté dans la législation d'Allah Azza wa Jal. Et cela donc rentre dans yani la généralité de ce verset-là dans Surat al-Baqara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yani c'est yani le dernier verset yani parmi les derniers versets de yani parmi les derniers versets de Sourate Al-Baqara. Yani, ô notre Seigneur, ne nous châtie pas, dans la traduction au sens du verset, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. D'accord? Et l'autre parole qu'a rapporté donc, l'autre parole d'Allah Azza wa Jal, qu'a rapporté donc le Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymin, c'est dans Sourate Al-Ahzab. Donc le verset 5. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Nul blâme, dans la traduction du sens du verset, nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur. Mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Pour ce que vos cœurs font délibérément. D'accord. Ensuite, il dit le Cheikh rahimahullah, il dit "Walaw akala ghayra murid lil-akl aw sharaba ghayra murid lish-sharb bi an kana mukrihan fa siyamuhu sahih." Et s'il mange sans vouloir et sans en avoir eu la volonté de manger, ou s'il a bu sans avoir la volonté de boire, c'est pas il le fait délibérément, il le fait exprès, il sait que ça va annuler son jeûne. Et ça arrive, ou est-ce que il oublie complètement qu'il est en état de jeûne et il mange quelque chose et ensuite il se rappelle. D'accord ? Yani, dans ce cas-là, ou dans le cas où est-ce que qu'il mange sans avoir cette volonté-là, ou qu'il boit yani, sans avoir la volonté de boire, et dans le cas où est-ce que il ne veut pas faire cela, eh bien son jeûne est correct. Et sur cela, wa min dhalika an yakrah ar-rajul zawjatahu an yakrah ar-rajul zawjatahu fa yujami'uha wa hiya sa'ima fa laysa 'alayha shay'an la qada wa la kaffara. C'est comme le cas où est-ce que l'homme, eh bien, il veut avoir une relation avec sa femme, alors qu'elle ne veut pas, yani parce qu'elle jeûne. Cependant, elle répond à son mari, mais elle, ce n'est pas sa volonté de vouloir rompre son jeûne. D'accord ? Mais son mari a voulu avoir une relation avec elle, donc le fait qu'elle a eu une relation avec son mari, eh bien, elle n'a aucun blâme, et elle ne rattrape pas ce jour-là, et elle n'a rien à donner D'accord? Rien à donner. Yani, pour rattraper ce jour-là. هذه مهمة لأن كثيرا من الفقهاء يقولون إن الإنسان إذا أكل جاهلا بالوقت سواء من أول النهار أو آخره وجب عليه القضاء إذا تبين أنه قد أكل في النهار. استنى مزلت استنى مزلت باب مزلت عشويتي. Donc il dit, le cheikh rahimahullah, il dit, ceci est un point important. Parce qu'il y a beaucoup parmi les fuqaha, les jurisconsultes, dans la religion d'Allah Azza wa Jal, il y a beaucoup qui disent que si l'individu a mangé en étant ignorant, a mangé en étant ignorant donc de l'heure, yani que, eh bien, que c'est pas encore l'heure de rompre son jeûne, mais il a quand même mangé par ignorance. Que ce soit du début du jour ou à la fin de la journée, eh bien, yani juste avant qu'arrive l'heure du mourle, eh bien, beaucoup disent qu'il lui est obligatoire de rattraper ce jour-là s'il lui apparaît qu'il a mangé durant cette journée-là. Mais le shir dit, ولكن يقال إن الذي شرع الصوم للعباد هو الذي رفع عنهم الحرج بهذه الأعذار. Vous voyez, subhanallah, la science du shir Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, il dit, eh bien, on le dit, donc il y a plusieurs jurisconsultes qui disent, eh bien, celui que s'il a mangé par insouciance, il n'a pas fait attention, il a mangé, et qu'il s'est rappelé qu'il a mangé alors qu'il jeûnait, eh bien, il se doit de rattraper ce jour-là. Eh bien, le shir répond en disant, celui qui a légiféré le jeûne aux serviteurs, eh bien, c'est celui, c'est Allah, qui a levé sur eux la difficulté de par ses excuses. D'accord ? L'excuse qu'il était, yani qu'il a fait ça de façon involontaire, qu'il était ignorant, d'accord. Donc ça, c'était pour l'explication donc de ce quatrième pilier de l'islam. Donc, est-ce qu'on s'arrête là ou on fera le cinquième pilier la semaine prochaine, ou est-ce que vous voulez qu'on continue le cinquième pilier? Je pense qu'on va. Attendez. Allah al-Musta'an. Je pense qu'on va le terminer, Inch'Allah, si ça ne vous pose pas de problème. On va essayer de prendre 15 minutes. Ça vous dérange pas? On continue un peu. Ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas? Si ça te dérange, il n'y a pas de problème, Yarni, je peux... Comme tu veux, Yarni, Barakalofik, ok. Yarni, parce que c'est pas beaucoup, donc on va terminer, comme ça on passera donc au pilier de la, Yarni, de la foi la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc c'est pas beaucoup, Inch'Allah. Donc ensuite, il dit le Cheikh, maintenant concernant, donc on revient donc aux explications de Cheikh Salah al-Fawzan, Hafizahullah, concernant le cinquième pilier de l'islam, qui est donc le pèlerinage à la Mecque. Inch'Allah, barakallahu fik, akhi. Donc il dit, le Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhullah, il dit, Ruknul Khamis, le cinquième pilier, Hajju Baytullah al-Haram, man istata'a ilayhi sabila. Le pèlerinage à la maison d'Allah, à la maison sacrée d'Allah, pour celui qui en a la capacité. Et le hajj, littéralement le pèlerinage, signifie linguistiquement, eh bien, yani, avoir pour but. C'est le but, le qasdu. D'accord ? وأما في الشرع tandis que dans la législation فهو قصد بيت الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة تقربا إلى الله جل وعلا. فالحج والعمرة عبادتان لله عز وجل. Donc il dit, le cheikh Hafidahullah, il dit, donc selon la législation, donc linguistiquement, c'est le hajj, ça veut dire quoi? Ça veut dire el qasdu, ça veut dire le but, d'accord? Mais tandis que dans la législation, c'est avoir pour but, eh bien, de mettre en application les rites du pèlerinage en yani à la maison sacrée d'Allah, en accomplissant le pèlerinage et la umrah, afin de se rapprocher d'Allah le Très-Haut. Donc le hajj, le pèlerinage et la umrah, ce sont deux actes d'adoration à Allah, qui doivent être voués qu'à Allah Azza wa Jal seul. ولكن مكانهما ومحلهما في المسجد الحرام وما حوله من المشاعر فلو أنه حج إلى غير الكعبة فلن يقبل حجه وإذا اعتقد أنه يحج إلى قبر أو إلى ضريح أو إلى بناء أو إلى بناية أو إلى شجر فإنه يرتد عن دين الإسلام. Donc il dit, le cheikh Hafidahullah, il dit, donc selon la législation, c'est avoir pour but d'accomplir les rites du pèlerinage et de la umrah à la maison sacrée d'Allah le Très-Haut, afin de se rapprocher d'Allah le Très-Haut. Donc le hajj et la umrah, ce sont deux adorations qui doivent être vouées qu'à Allah seul, d'accord? Et tandis que leur lieu, d'accord, eh bien, se font au niveau donc du Masjid al-Haram, à la mosquée sacrée, et ce qui est autour, yani qui font partie des rites du pèlerinage. Il dit ensuite, le Cheikh Salah al-Fawzan, Hafidhahullah, si donc quelqu'un fait le pèlerinage en direction autre que la Kaaba, eh bien, son pèlerinage ne sera pas accepté de lui. Et s'il croit qu'il fait le pèlerinage vers une tombe, ou vers un mausolée, ou vers une autre construction, ou vers un arbre, eh bien, il apostasie de la religion de l'islam. S'il croit cela, il devient un apostat. فَلَيْسَ هُنَاكْ شَيْءٌ يُحَجُّ إِلَيْهِ إِلَّا بَيْتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ فَتُؤَدَّى مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عِنْدَهُ وَحَوْلَهُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ. Donc il dit ensuite, le cheikh Hafidhahullah, il dit, il n'y a aucun autre lieu pour lequel, ou il n'y a aucune autre chose pour lequel, eh bien, le musulman se doit de faire le pèlerinage, excepté la maison sacrée d'Allah, Azza wa Jal, là où il y a la Kaaba et ce qui est aux alentours pour faire les rites. D'accord? C'est que là-bas que le pèlerinage se doit d'être fait. Donc celui qui se dit qu'il va aller faire le pèlerinage pour la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme certains innovateurs essaient de faire avec l'approche de Rabi al-Awwal, avec même d'ailleurs, subhanallah, d'ailleurs ça va être bientôt, ils vont célébrer ça le 1er décembre, l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains vont payer de l'argent pour se rendre là-bas, yani pour faire une umrah en direction de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est grave, hein. Cela c'est grave. D'une part, célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bid'a, comme vous le savez tous, c'est un égarement. C'est un égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kul bid'a dalala, kul dalala finnar, toute innovation est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Donc vous voyez, donc c'est pas à prendre à la légère. Et vous vous rappelez ce qu'on avait vu hier dans les six fondements ou sous les sita, l'explication d'Ibn Abbas radiallahu anhuma concernant le verset Yawm tabyaddu wujuhun wa taswadu wujuhun, le jour où blanchiront des visages et noirciront d'autres visages. Et il avait dit blanchiront les visages des gens de la sunna et noirciront les visages des innovateurs. Donc ce n'est pas à prendre à la légère cela. Donc il dit le cheikh hafidahullah, il dit celui donc qui fait le pèlerinage pour autre que la maison sacrée d'Allah, c'est-à-dire la Kaaba et ce qui est aux alentours pour faire les rites. D'accord ? Il veut faire un pèlerinage en direction d'une tombe ou d'un mausolée ou d'une construction ou d'un arbre, eh bien, il apostasie de l'islam. Il dit, le pèlerinage ne se fait qu'en direction de la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Qui est donc au niveau de la Kaaba, ce qui est aux alentours pour faire les rites. Donc, tu accomplis les rites du Hajj et de la Umrah dans la maison sacrée d'Allah Azza wa Jalla, ce qui fait partie donc des rites. Ce qui est aux alentours qui fait partie des rites à accomplir pour le pèlerinage. Comme Allah le Très-Haut l'a ordonné. Wal Hajj fi zamanin makhsous. Et le Hajj, le pèlerinage, est dans un temps, yani qui est spécifique. Et un temps spécifique. Kama qala ta'ala, comme Allah le Très-Haut a dit, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, le pèlerinage, eh bien, dans le verset en entier, c'est le verset donc de 197 de Surat al-Baqarah, et c'est dans la traduction du sens, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. D'accord ? Pardon, je récitais un autre verset, Allah al-Musta'an. Al-Hajj ashhurun ma'lumat, le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Dans la traduction du sens du verset, de Surat al-Baqarah, verset 197, le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Wa amma al-Umrah, tandis que la Umrah, fa fi kulli sana, laysa laha waqtun muhaddad. Donc il dit, tandis que la Umrah, eh bien c'est pendant toute l'année. D'accord ? Elle n'a pas un temps qui est spécifique. Le Hajj a un mois qui est spécifique. D'accord ? Tandis que a un temps qui est spécifique. D'accord ? Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Tandis que la Umrah, elle peut se faire toute l'année. D'accord ? Elle n'est pas limitée. Wa qala ta'ala man istata'a ilayhi sabila. C'est ce verset-là que je voulais mentionner. Et Allah le Très-Haut a dit dans Surat Ali Imran, verset 97, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. لما كان الحج يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى سفر وفيه مشقة شرط الله لوجوبه الاستطاعة. فالاستطاعه تكون بالمال وتكون بالبدن فمن استطاع ببدنه وليس عنده مال فليس عليه حج ومن استطاع بماله ولكن لا يستطيع ببدنه فانه يوكل من يحج عنه. Et donc il dit le cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah, étant donné que le hajj, le pèlerinage, demande à ce que, eh bien, il faut donc dépenser pour cela. Demande, yani des efforts, de voyager, d'accord ? Il y a des difficultés dans cela. Eh bien, Allah Azza wa Jalla a conditionné ce cinquième pilier de l'islam afin, yani a conditionné son obligation par, eh bien, la possibilité de le faire. C'est conditionné par la possibilité de le faire. Donc, la possibilité de le faire est, d'une part, avoir l'argent. La possibilité de le faire, elle est aussi en avoir la capacité corporelle pour le faire. Donc celui donc qui a la capacité, il est en bonne santé, il peut le faire, mais cependant il n'a pas d'argent, alors là le hajj ne lui est pas obligatoire. Il n'a pas d'argent, il est en bonne santé mais il n'a pas d'argent, le hajj ne lui est pas obligatoire. D'accord? Il ne peut pas le faire, il n'est pas obligatoire là pour le moment. D'accord? C'est un pilier de l'islam qui est obligatoire. Cependant, lui, il n'a pas les moyens. D'accord? Donc il n'est pas blâmé sur le fait que il ne fait pas le hajj parce qu'il n'a pas les moyens malgré qu'il est en bonne santé. D'accord? Tandis que celui qui a l'argent, mais il ne peut pas, il n'a pas la santé corporelle pour le faire. Mais, je vais répondre après à ça, Inch'Allah, Giovanni Baraklofik. Donc, mais celui, donc, qui a l'argent pour faire le hajj. Cependant, il n'a pas la capacité corporelle. Yani, il n'est pas... Yani, physiquement, il ne peut pas le faire, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il mandate quelqu'un pour faire le pèlerinage à sa place. D'accord? Il mandate quelqu'un pour faire le pèlerinage à sa place. D'accord? C'est-à-dire, il lui paye le hajj et il le mandate pour qu'il le fasse à sa place parce que il a l'excuse qu'il, physiquement, ne peut pas le faire. وبعيد المكان على بعض المسلمين يسره الله وجعله مرة واحدة في العمر مع الاستطاعة وما زاد عن المرة الواحدة فإنه تطوع كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل كل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ولما استطعتم pardon لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. Donc il dit le cheikh Salah Al-Fawzan hafizahullah, il dit: et étant donné que le pèlerinage demande, ça demande beaucoup d'efforts, que ce soit physique, que ce soit avec l'argent, il faut avoir les moyens physiques et avoir l'argent, et que c'est loin pour certains musulmans, et bien Allah Azza wa Jalla l'a facilité en le rendant qu'il est obligatoire une seule fois dans la vie du musulman. Il est obligatoire une seule fois dans la vie du musulman avec la capacité, bien sûr, de le faire, c'est-à-dire corporellement et physiquement et avant d'avoir les moyens, avoir l'argent, quoi. C'est-à-dire pouvoir le faire physiquement et avoir les moyens de payer pour y aller. D'accord? Donc Allah Azza wa Jalla l'a facilité en le rendant obligatoire une seule fois dans la vie, avec bien sûr la condition d'en avoir la capacité. Et quiconque fait plus qu'un seul hajj, il rajoute, il fait d'autres pèlerinages en plus, et bien cela sera considéré comme étant surérogatoire, comme cela est dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, Allah vous a rendu obligatoire le pèlerinage, alors faites le pèlerinage. Alors un homme dit, excusez-moi, voilà que l'on fait. Mohamed, est-ce que papa? Est-ce que papa, tu peux. Zelma Kamelch, Anija, Inch'Allah. Est-ce que Anija, Inch'Allah. Excusez-moi, voilà que l'on fait. Donc, comme dans le hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô vous les gens, Allah vous a ordonné le pèlerinage, alors faites le pèlerinage. Alors faites-le. Alors un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, est-ce qu'on doit le faire chaque année? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu à garder le silence jusqu'à ce que l'homme a répété, donc a dit cela trois fois. Alors l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si j'avais dit oui, si j'avais dit oui, eh bien elle aurait été obligatoire, le hajj aurait été obligatoire chaque année. Et vous n'aurez pas pu le faire. Vous voyez la miséricorde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فالحج مرة واحدة. Donc le pèlerinage c'est une seule fois. لله ولله الحمد. Et qu'Allah soit loué. Que les louanges soient à Allah. Le pèlerinage est une seule fois, que les louanges soient à Allah. هذا هو الفرض وما زاد عن المرة فهو تطوع. Donc il dit, eh bien, ça c'est ce qui est obligatoire, c'est de le faire une fois, et celui qui a fait plus d'une fois, eh bien, ce sera ce sera compté comme surérogatoire, ce qu'il a fait en plus de la fois qui est obligatoire. Donc il dit ensuite le shir, فَهَذِهِ أَرْكَانُ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ وَالْحَجُّ مَعَهُ الْعُمْرَ لِأَنَّ فِي بَعْضِ رِوَيَاتِ حَدِيثِ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنْ تَحُجَّ وَتَعْتَمِرْ وَالْعُمْرَ تسمى الحج الأصغر. Donc il dit le cheikh, eh bien cela sont les piliers de l'islam, les cinq piliers de l'islam, et avec le pèlerinage il y a la umra, car dans certaines narrations rapportées donc par Omar radiallahu anhu, qui est dit dans les narrations authentiques, et que tu fasses le pèlerinage et que tu fasses la Umrah. Et il dit, et la Umrah s'appelle le petit pèlerinage. Donc ça, c'était les explications de Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah concernant donc le cinquième pilier de l'islam. Concernant le cinquième pilier de l'islam. Il y a une faïda de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, Hafidhahullah, concernant ce cinquième pilier de l'islam. Il dit le Cheikh, Hafidhahullah, Hajj baytullah al-haram, ibada maliya badaniya. Le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah est une adoration yani qui implique l'argent et le corps. وقد أوجبها الله في العمر وقد أوجبها الله في العمر مرة واحدة. Et Allah عز وجل l'a rendu obligatoire une seule fois dans la vie. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله صلى الله عليه وسلم من حاج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم dans leur صحيح. Il dit le Cheikh Hafidhahullah, il dit, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré les bienfaits du pèlerinage à la Mecque, de par sa parole sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, quiconque fait le pèlerinage dans cette maison sacrée, et qu'il ne commet pas de perversité, ni il ne commet yani de mauvaises choses, ni d'insultes, ni de perversité, ni de mauvaises choses, et bien lorsqu'il le commet, sans commettre tout cela, sans commettre toutes ces mauvaises choses-là, lorsqu'il revient, et bien il revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-umra ila al-umra kafara lima baynahuma. D'une umra à une autre, eh bien Allah azza wa jal pardonne ce qu'il y a entre deux umra. Wal hajj al-mabrur ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مسلم. Il dit le Hajj. Le Hajj le Mabrour. Anas, mais ma kamel chachou dit. Parce que papa, tu peux nous donner. Asbahi, asbahi. Bamchi koul l'autre, bamchi koul maman ta'ti kachou dit. Donc il dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc il dit entre chaque omra, eh bien Allah azza wa jal pardonne ce qu'il y a entre eux. Entre deux omra, d'une omra à une autre, Allah Azza wa Jal pardonne entre elles. Et le Hajj al-Mabrour, le Hajj al-Mabrour c'est quoi? C'est le Hajj qui est fait, yani qui est, le Hajj al-Mabrour c'est le Hajj qui est accepté par Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que le musulman il l'a fait sans commettre de perversité, sans s'énerver ou se mettre à crier sur quelqu'un ou à s'énerver sur quelqu'un, d'accord? Il le fait en se contrôlant, en espérant qu'Allah accepte de lui. Donc le Hajj al-Mabrour, c'est celui donc qui est fait donc avec crainte et piété et qui est accepté par Allah Azza wa Jal. Eh bien, il dit, il n'a d'autre récompense que le paradis. Le hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih. Wa l'istita'a fi al-hajj takun badaniya wa maliya. Et la capacité dans le pèlerinage, comme disait le cheikh Salah al-Fawzan hafidhahullah, elle consiste d'avoir la capacité corporelle, physique et d'avoir les moyens, yani l'argent. D'accord? Wa yuhajj al-mahj anhu illa fi halatayn. Donc il est permis de faire le pèlerinage, d'accord? De celui qui est mort. Tandis que celui qui est vivant, il n'est pas permis de jeûner pour lui, excepté dans deux cas. C'est ce que le Cheikh Salah al-Fawzan Hamidullah avait mentionné tout à l'heure. Le premier cas, c'est que il est permis de jeûner pour quelqu'un qui. Il est permis de faire le pèlerinage pour quelqu'un qui est vivant. Cette personne-là a les moyens, mais physiquement, elle n'en a pas la capacité. Une personne qui a des difficultés, qui est âgée, qui n'en a pas la capacité. D'accord? Ni pour faire le voyage, ni pour y aller. Et le deuxième cas, c'est quelqu'un qui est malade. Donc pareil, il n'en a pas la condition, il n'en a pas la capacité physique, d'accord? Mais il en a les moyens, d'accord? Quelqu'un qui a une maladie, ou est-ce qu'on ne s'attend pas qu'il ait une guérison? ومن الاستطاعة في حق المرأة وجود المحرم إذا كان الحج من غير مكة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. Donc il dit en fait que la femme donc ne peut pas faire le pèlerinage seule, excepté donc si elle a un mahram, c'est-à-dire quelqu'un qui lui est interdit au mariage. Donc c'est-à-dire soit son mari fait le pèlerinage avec elle, ou quelqu'un donc elle ne peut pas y aller tout seul. Et donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que donc la femme ne peut pas donc être laissée seule, excepté qu'elle a son mahram, c'est-à-dire que ce soit son mari ou... Et qu'elle ne voyage pas, la femme, excepté avec son mahram. Alors un homme se leva et dit, « Oh, envoyé d'Allah, ma femme est sortie pour faire le hajj. Et j'ai été inscrit pour faire une telle bataille. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, « Alors pars et va faire le pèlerinage avec ta femme. » Rapporté par Bukhari et Muslim dans leur sahih du hadith de Ibn Abbas, radiallahu anhumah. D'accord? Enfin, il dit, le Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, Hafidhahullah, il dit, « هذه الأركان الخمسة وردت في الحديث مرتبة حسب أهميتها. » Eh bien, ces cinq piliers ont été écrits dans ce hadith-là, ont été mentionnés dans ce hadith-là de Jibril, le hadith 2, d'accord, qu'on est en train de voir, des Arba'in Nawawiyah. Eh bien, en fonction de leur importance. وبدي فيها بالشهادتين اللتين هما أساس لكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. Ça a commencé donc le premier pilier, c'est donc les deux attestations de foi qui sont la base de toute œuvre afin de se rapprocher d'Allah le Très-Haut par ces œuvres-là. ثم بالصلاة التي تتكرر puis la prière qui se répète de jour et de nuit 5 fois. C'est un lien entre le serviteur et son seigneur. Puis la zakat. La zakat qui est obligatoire sur l'argent. D'accord, sur l'argent, lorsque une année est passée, c'est-à-dire que pendant une année, ce qu'il avait de côté, eh bien, avait atteint le seuil minimum qui est le nisab, et que ce n'est jamais descendu en dessous du seuil, et donc au bout d'une année, dans le calendrier lunaire, bien sûr, eh bien, il sort alors la zakat. Et on se rappelle que quelqu'un qui a un terrain qui a une récolte, eh bien la zakat, yani, se sort, ça c'est spécifique à celui qui a un terrain, lorsque par exemple qui a un terrain des oliviers, voilà, des oranges, voilà, yani, ce qu'il a, ce qu'il cultive, d'accord, eh bien il sort la zakat de cela le jour de la récolte, d'accord. On avait vu ça dans le cours précédent. لأن نفعها متعدد. ثم الصيام الذي يجب شهرا في السنة. Puis le jeûne qui est obligatoire une fois dans l'année. وهو عبادة بدنية. Et c'est un acte d'adoration corporel. نفعها غير متعدد. ثم الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. Puis le pèlerinage à la Mecque qui n'est obligatoire qu'une seule fois dans la vie, à condition d'en avoir la capacité. D'accord ? Alors, je pense... Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Et donc, on aura vu, Inch'Allah, hein, les cinq piliers de l'islam. Walillah alhamd. De l'explication de ce hadith de Jibril. Donc on va continuer, Inch'Allah, les explications de ce hadith-là, Inch'Allah, donc dimanche prochain, dès 19h30, bi'idhnillah. Et samedi prochain, Inch'Allah, nous continuerons donc les explications des six fondements de Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, Inch'Allah. Barakallahu fikum pour votre patience. كالله اكسب دنو امين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.